Je ne vous oublierai pas, couple généreux, jeunes francs, que je rencontrai au milieu du champ du carnage. Ces fidèles amis, plus tendres que prudents, afin d'avoir dans le combat la même destinée, s'étaient attachés ensemble par une chaîne de fer. L'un était tombé mort sous la flèche d'un crétois, l'autre, atteint d'une blessure cruelle, mais encore vivant, se tenait à demi soulevé auprès de son frère d'armes. Il lui disait « Guerrier, tu dors après les fatigues de la bataille. Tu n'ouvriras plus les yeux à ma voix. Mais la chaîne de notre amitié n'est point rompue. Elle me retient à tes côtés. » En achevant ces mots, le jeune franc s'incline et meurt sur le corps de son ami. Leurs belles chevelures se mêlent et se confondent comme les flammes ondoyantes d'un double trépied qui s'éteint sur un autel, comme les rayons humides et tremblants de l'étoile des Gémeaux qui se couche dans la mer. Le trépas ajoute ses chaînes indestructibles aux liens qui unissaient les deux amis. Cependant, les bras fatigués portent des coups ralentis. Les clameurs deviennent plus déchirantes et plus plaintives. Tantôt, une grande partie des blessés, expirant à la fois, laisse régner un affreux silence. Tantôt, la voix de la douleur se ranime et monte en longs accents vers le ciel. On voit errer des chevaux sans maître qui bondissent ou s'abattent sur des cadavres. Quelques machines de guerre abandonnées brûlent çà et là comme les torches de ces immenses funérailles. La nuit vint couvrir de son obscurité ce théâtre des fureurs humaines. Les Francs, vaincus, mais toujours redoutables, se retirèrent dans l'enceinte de leurs chariots. Cette nuit, si nécessaire à notre repos, ne fut pour nous qu'une nuit d'alarme. À chaque instant, nous craignions d'être attaqués. Les barbares jetaient des cris qui ressemblaient aux hurlements des bêtes féroces. Ils pleuraient les braves qu'ils avaient perdus et se préparaient eux-mêmes à mourir. Nous n'osions ni quitter nos armes ni allumer des feux. Les soldats romains frémissaient, se cherchaient dans les ténèbres, ils s'appelaient, ils se demandaient un peu de pain ou d'eau. Ils pansaient leurs blessures avec leurs vêtements déchirés. Les sentinelles se répondaient en se renvoyant de l'une à l'autre le cri d'éveil. Tous les chefs des Crétois avaient été tués. Le sang de Philopémène, paraissant à mes compagnons d'un favorable augure, ils m'avaient nommé leur commandant. En attirant sur moi les efforts de l'ennemi, j'avais eu le bonheur de sauver la Légion de fer d'une entière destruction. La confirmation de mon grade, une couronne de chêne et les éloges de Constance avait été le prix de ce hasard heureux. À la tête des troupes légères, je touchais presque au camp des barbares, et j'attendais avec impatience le retour de l'aurore. Mais cette aurore nous découvrit un spectacle qui surpassait en horreur tout ce que nous avions vu jusqu'alors. Les Francs, pendant la nuit, avaient coupé les têtes des cadavres romains et les avaient plantées sur des pics devant leur camp, le visage tourné vers nous. Un énorme bûcher composé de selles de chevaux et de boucliers brisés s'élevait au milieu du camp. Le vieux Pharamond, roulant des yeux terribles et livrant au souffle du matin sa longue chevelure blanche, était assis au haut du bûcher. Au bas paraissaient Clodion et Mérovée. Il tenait à la main, en guise de torche, l'aste enflammé de deux pics rompus, prêts à mettre le feu au trône funèbre de leur père, si les Romains parvenaient à forcer le retranchement des chariots. Nous restons muets d'étonnement et de douleur. Les vainqueurs semblent vaincus par tant de barbarie et tant de magnanimité. Les larmes coulent de nos yeux à la vue des têtes sanglantes de nos compagnons d'armes. Chacun se rappelle que ces bouches muettes et décolorées prononçaient encore la veille les paroles de l'amitié. Bientôt, à ce mouvement de regret, succède la soif de la vengeance. On n'attend point le signal de l'assaut. Rien ne peut résister à la fureur du soldat. Les chariots sont brisés, le camp est ouvert, on s'y précipite. Alors se présente un nouvel ennemi. Les femmes des barbares, vêtues de robes noires, s'élancent au-devant de nous, se percent de nos armes ou cherchent à les arracher de nos mains. Les unes arrêtent par la barbe le sicambre qui fuit et le ramènent au combat. Les autres, comme des bacchantes enivrées, déchirent leurs épouses et leurs pères. Plusieurs étouffent leurs enfants et les jettent sous les pieds des hommes et des chevaux. Plusieurs, se passant au cou un lacet fatal, s'attachent aux cornes des bœufs et s'étranglent en se faisant traîner misérablement. Une d'entre elles s'écrie du milieu de ses compagnes « Romains, tous vos présents n'ont point été funestes. Si vous nous avez apporté le fer qui enchaîne, vous nous avez donné le fer qui délivre. » Et elle se frappe d'un poignard. C'en était fait des peuples de Pharamon, si le ciel, qui leur garde peut-être de grandes destinées, n'eût sauvé le reste de leurs guerriers. Un vent impétueux se lève entre le nord et le couchant. Les flots s'avancent sur les grèves. On voit venir, écumante et lumineuse, une de ces marées de l'équinoxe qui, dans ces climats, semble jeter l'océan tout entier hors de son lit. La mer, comme un puissant allié des barbares, entre dans le camp des Francs pour en chasser les Romains. Les Romains reculent devant l'armée des flots. Les Francs reprennent courage. Ils profitent de notre désordre, ils nous repoussent, ils nous pressent, ils secondent les efforts de la mer. Une scène extraordinaire frappe les yeux de toutes parts. Là, les bœufs, épouvantés, nagent avec les chariots qu'ils entraînent. Ils ne laissent voir au-dessus des vagues que leurs cornes recourbées et ressemblent à une multitude de fleuves qui auraient apporté eux-mêmes leur tribut à l'océan. Ici, les Saliens mettent à flot leurs bateaux de cuir et nous frappent à coups de rames et d'avirons. Mérovée s'était fait une nacelle d'un large bouclier d'osier. Porté sur cette conque guerrière, il nous poursuivait, escorté de ses pères qui bondissaient autour de lui comme des tritons. Pleines d'une joie insensée, les femmes battaient des mains et bénissaient les flots libérateurs. Partout la lame croissante se brise et jaillit contre les armes. Partout disparaît le cavalier qui se noie, le fantassin qui n'a plus que son épée hors de l'eau. Des cadavres qui paraissent ranimés roulent avec les algues, le sable et le limon. Séparé du reste des légions et réuni à quelques soldats, je combattis longtemps une multitude de barbares. Mais enfin, accablé par le nombre, je tombai, percé de coups, au milieu de mes compagnons étendus morts à mes côtés. Je demeurai plusieurs heures évanoui. Quand je rouvris les yeux à la lumière, je n'aperçus plus qu'une grève, humide, abandonnée par les flots, des corps noyés, à moitié ensevelis dans le sable, la mer retirée dans un lointain immense et traçant à peine une ligne bleuâtre à l'horizon. Je voulus me soulever, mais je ne pus y parvenir, et je fus contraint de rester couché sur le dos, les regards attachés au ciel. Tandis que mon âme flottait entre la mort et la vie, j'entendis une voix prononcer en latin ces mots. « Si quelqu'un respire encore ici, qu'il parle. » Je tournai la tête avec effort et j'entrevis un franc que je reconnus pour esclave, assassé d'écorce de bouleau. Il aperçut mon mouvement, accourut vers moi, et reconnaissant ma patrie à mon vêtement, « Jeune grec, me dit-il, prenez courage. » Et il se mit à genoux à mes côtés, se pencha sur moi, examina mes blessures. « Je ne les crois pas mortelles, » s'écria-t-il après un moment de silence. Aussitôt, il tira d'un sac de peau de chevreuil du baume, des simples, un vase plein d'une eau pure. Il lava mes plaies, les essuya légèrement, les banda avec de longues feuilles de roseau. Je ne pouvais lui témoigner ma reconnaissance que par un mouvement de tête et par l'admiration qu'il devait lire dans mes yeux presque éteints. Quand il fallut me transporter, son embarras devint extrême. Il regardait avec inquiétude autour de nous. Il craignait, comme il me l'a dit depuis, d'être découvert par quelque partie de barbare. L'heure du flux approchait. Mon libérateur tira du danger même le moyen de mon salut. Il aperçut une nacelle des Francs échouée sur le sable. Il commença par me soulever à moitié, puis, se couchant presque à terre devant moi, il m'attira doucement à lui, me chargea sur ses épaules, se leva et me porta avec peine au bateau voisin, car il était déjà sur l'âge. La mer ne tarda pas à couvrir ses grèves. L'esclave arracha du sable une pique dont le fer était rompu. Et lorsque les flots soulevèrent la nacelle, il la dirigea avec son arme brisée comme aurait fait le pilote le plus habile. Chassés par le flux, nous entrâmes bien avant dans les terres, sur les rives d'un fleuve bordé de forêts. Ces lieux étaient connus du Franc. Il descendit dans l'eau et, me prenant de nouveau sur ses épaules, il me déposa dans une espèce de souterrain où les barbares ont coutume de cacher leur blé pendant la guerre. Là, il me fit un lit de mousse et me donna un peu de vin pour me ranimer. « Pauvre infortuné, » me dit-il, en me parlant dans ma propre langue, « il faut que je vous quitte, et vous serez obligé de passer la nuit seul ici. J'espère vous apporter demain matin de bonnes nouvelles. En attendant, tâchez de goûter un peu de sommeil. » En disant ces mots, il étendit sur moi sa misérable saie, dont il se dépouilla pour me couvrir. Il s'enfuit dans les bois.